Document 3, page 96. Où tu as mis le programme de la télé ? Lequel ? Le tien ou le mien ? Pourquoi ? Tu as acheté un programme, toi aussi ? Oui, je vais en essayer un autre cette semaine. Je trouve que le tien n'est pas très clair. Pourquoi tu ne me l'as pas dit ? C'est idiot d'acheter deux programmes pour la même semaine. Bon, qu'est-ce qu'on va regarder ce soir ? Je ne sais pas. Tes goûts sont différents des miens, apparemment. Ne te fâche pas. Sur France 2, il y a un bon film avec Julia Roberts. C'est mon actrice préférée. Ce n'est peut-être pas la mienne. Oh, arrête ! J'ai acheté un autre programme de télé, ce n'est pas un crime. Tu as tes affaires, j'ai les miennes. Pourquoi pas un programme de télé ? Comme tu veux. Si tu préfères, il y a un reportage sur le Mexique, sur Arte. Un débat politique sur la 3. Ou une émission de variété sur la première chaîne. C'est avec qui l'émission de variété ? Des chanteurs. Gérald de Palmas, Liane Folly et d'autres. Tu n'as pas envie de regarder ça ? Je crois qu'il est préférable que je sois d'accord avec toi. Donc ton choix sera le mien. Moi, je préfère que ce soit le nôtre. Comme tu veux, ma chérie. Le tien, le mien, le nôtre, c'est la même chose.